Ouais. Arctic. Yeah. Yo. J'vois des flashs que des clichés, donc j'crache sur vos clips. J'ai du malos de bitch et de strass, Mr. DJ. Ravalez vos speech et vos clashs, vous faites pitié, on reprend ça dans 10 piges quand tu rappes sur les kicks. Yeah, tu connais l'équipe qui te blesse à la Kimbo Slice. J'ai pas de R&B donc j'éviterai le Timbo style. En France, ce rap est uniforme, moi j'vous devine tous. Vos textes puis la fin du monde, on se croirait en 2012. Freestyle, machine, magique, grave, lâche, kick. 16 barres de classique, v'là le magistre à l'article. Ton hip-hop est statique, rap limité par de la street. J'envoie des litres de lave et crame les élites par mes titre. La suite s'annonce au final, optimal. Par l'absence de ma team dans les salles, official, je sais pas moi. J'ai pas dans vos sites, vos blogs ou vos petits mags. Mais quand je rappe ta gosse, lèche les babines comme T-Bag. Seul face aux élites, j'fais le taf, t'as le buzz, j'ai le mate. J'ai le mind, ça fait j'suis une légende. J'brille dès que j'kick, ouais, j'suis une légende. J'brille et je feel, mec. Seul face aux élites, j'fais le taf, t'as le buzz, j'ai le mate. J'ai le mic, ça fait j'suis une légende. J'brille et que j'kick, ouais, j'suis une légende. J'brille et je filme. Est-ce de retour qu'un TM ou Jay-Z? V'là la rime d'Arctic, sans égo trip ou MC. Ton équipe s'agite, ben les dire mon rap n'a pas d'hésitation. Ta clique, que si elle son classique, on est si à fond tactique. Tu connais pas encore le dièse, tu m'épates pas. Mais cherche pas dans les Fnac, j'suis dans les mix, de où je squatte là. Le rap c'est moi, tout comme le dance, on est le raga. J'affronterai seul le mag, bah j'suis un homme comme Lady Gaga. Le stack c'est grave là, tu me bats, tu parles pas. J'ai pas que ça de toi. Tu me traques, t'es sérieux toi. Me battre mais ça va pas. Il rappe mais ça va pas. J'éclate ses avatars. Tous sont mes avatars. J'lâche des punchlines comme des ragots. Appelle-moi cette nuit si tu veux des news de Dago. C'est des qui te rassure, c'est excellent. Dis que j'te laisse un bout d'instru. Kick et tu feras croire qu'on était en fuite. Seul face aux élites, j'fais le taf, t'as le buzz, j'ai le mérite. J'ai le mind, ça fait j'suis une légende. J'brille dès que j'kick, ouais, j'suis une légende. J'brille et je filme, mec, seul face aux élites. J'fais le taf, t'as le buzz, j'ai le mérite. J'ai le mic, ça fait j'suis une légende. J'brille dès que j'kick, ouais, j'suis une légende. J'brille et je filme, mec. Là avec ce gars qui était très jeune et alors elle m'a regardé comme si on se connaissait pas. Pourquoi elle m'a fait ça? Tu nous bassines. Oh, elle est en train de me punir. Ah oui, je sais. Être honnête avec elle. C'est terrible. Je vais aller chez elle. Non, n'y va pas. T'as rien à faire là-bas. T'as rien à te faire. C'est ça, casse-toi le clip. C'est trop. Oui. Ouais. Je veux pas avoir l'air désespéré. Tu devrais peut-être prendre ça comme un signe. Rond définitivement. Oui. Hein? Oh.